Oh, alors je m'excuse, les pistes sont assez longues, mais en fait je vérifierai pas du tout le temps des pistes. Tout ce que j'ai là sur moi, c'est de la liqueur de menthe que j'ai trouvée dans la cave de ma maison. Déjà, je sais même pas si c'est alcoolisé, la liqueur de menthe. Et en plus, c'est une bouteille qui a sûrement 20 ans, parce que c'est une vieille maison. Ce que j'ai avec moi aussi, c'est un couteau. Mais tant que je suis occupé à te parler sur le disque, là, je vais pas m'amuser à me mutiler. Et pourtant, en ce moment, ça y va. Hein. Waouh. Non, mais tu verrais mes bras, c'est un champ de bataille. J'arrête pas de me faire des marques, parce que disons que ça me soulage. Quand la douleur physique remplace la douleur mentale le temps de 5 minutes, alors dans ce cas, ça va mieux. J'ai aussi 2-3 cachets que Dorian ne m'a pas volé quand je suis parti de chez elle. Et 2 demi-clopes. Bref, pas grand-chose, mais ça va le faire. Mais c'est parce que j'avais plus rien d'ailleurs que j'ai décidé de faire un album. Hein, parce que sinon... Sinon, quand j'ai l'occasion de terminer mes soirées avec 2 anxios et le quart d'une bouteille de whisky, alors je la termine comme ça et cela va très bien. Mais là, j'ai ni l'un ni l'autre. Alors je me suis dit, ben tiens Tony, t'as qu'à faire un album. Un album d'une très belle qualité musicale d'ailleurs, hein, comme vous pouvez constater. Je sais pas vraiment exactement qui écoutera ça. Mais je me dis que peut-être il y a une personne qui un jour écoutera ça, et c'est justement à toi que je m'adresse. Tu sais, l'histoire n'est pas finie.